Hey, c'est R.O.D. Tu m'avais oublié ou quoi? Je suis de retour. Bouya! Tensor again. Je suis pas resté les boss, aurait été des gouchottes. Des années qu'on m'achoppe, nos blocs, je suis pas leur pote. Des solines, ni place, dance, allume ton spot. C'est nous les réels que les jaloux qui disent stop. Quand ils nous voient arriver, caca dans leur froc. Ils agrippent leurs meufs, se transforment en compote. Une drôle d'odeur, putain, ils sont mal propres. Les ladies sont corda au bar avec des shots. Bouche pulpeuse, prête à back it up. Elles disent get up non-stop. Bouche pulpeuse, prête à back it up. Elles disent get up non-stop. Tout le monde est validé, tu trinques à ma santé. Bouche boy sur le côté, lunettes sur le bout du nez. Les flics sont à péter, prête à tout péter. Bien pour les arrêter, à part le soleil levé. Faut lever les bras. Faut lever les bras. Faut lever les bras. Si t'es corda, faut lever les bras. Faut lever les bras. Faut lever les bras. Faut lever les bras. Si t'es corda, faut lever les bras. Tu commences à chauffer, tu as bu de la boisson. C'était pas de l'eau, c'était plutôt Nesson. Plus besoin de prendre ses précautions. Toi dans ta tête t'as déjà monté la tension. Moine comme si Astérix t'avait donné la potion. Les boucs derrière, sans mordre les moignons. Pilotage aération, boom démolition. Bariopsure dans le fond, limite boisson. Tout est réel, vibration. L'espace d'un moment, on n'est que passion. Sur un même son, inscrit à l'unisson. Tous en feu, cash-coon, rafale de bon son. On dansera jusqu'à fin de munition. Tactique de placement, les charros en ébullition. Panneau, attention, on lâche pas le steak. Jusqu'à 6 de tension. Faut lever les bras. Faut lever les bras. Faut lever les bras. Si t'es corda, faut lever les bras. Faut lever les bras. Faut lever les bras. Faut lever les bras. Si t'es corda, faut lever les bras. Allume ton béquille si tu aimes la dancehall. Si tu aimes la dancehall. Allume ton béquille si tu aimes la dancehall. Si tu aimes la dancehall. Allume ton béquille si tu aimes la dancehall. Si tu aimes la dancehall. Allume ton béquille si tu aimes la dancehall. Si tu aimes la dancehall. Faut lever les bras. Faut lever les bras. Faut lever les bras. Si t'es corda, faut lever les bras. Faut lever les bras. Faut lever les bras. Faut lever les bras. Si t'es corda, faut lever les bras.